J'ai comme l'information autour. Vous écoutez J'ai comme Média. Voilà, nous sommes avec M. Babacar Diack, inspecteur d'académie de Tambacounda. Donc aujourd'hui, c'est le démarrage de la campagne Oubitey Djangetey. Quelle est votre impression? Voilà, j'ai une excellente impression de l'activité que vous menez aujourd'hui parce que nous sommes à quelques encablures de la rentrée scolaire et il est extrêmement important que les parents d'élèves, les élèves, le corps enseignant soient sensibilisés pour que quand même toutes les dispositions soient prises pour qu'on puisse réussir la rentrée scolaire. Le séminaire de rentrée s'est terminé hier à Hambourg et je pense qu'une des directives, c'est que quand même l'on prenne en tout cas toutes les mesures nécessaires pour que non seulement les parents soient informés, sensibilisés, mais surtout que les parents, la communauté éducative de façon générale, s'investissent dans la préparation des écoles. Parce qu'il y a un travail à faire en ce qui concerne le nettoyage, la désinfection, etc. Et pour cela, quand même, il est important que des activités de ce genre soient menées à travers la ville, à travers aussi les autres communes, pour que vraiment l'information passe le plus possible auprès, en tout cas de tous les acteurs. Cette année, quels sont les dispositifs que l'Académie est en train de faire pour mener à bien l'ouverture de l'année scolaire? Oui, le dispositif, peut-être il faut signaler d'abord que cette année est une année particulière parce que marquée par la pandémie. Heureusement, peut-être les cas sont en train de diminuer, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'au contraire, il faut renforcer le dispositif. Ce qui fait que donc, d'abord, nous projetons de tenir un comité régional de développement pour préparer la rentrée le vendredi prochain et pour rencontrer encore tous les acteurs et discuter avec eux sur les différentes mesures préconisées par le niveau central. Bon, ensuite maintenant, nous avons déjà reçu un lot de matériel d'hygiène que nous allons mettre à la disposition des différentes écoles pour toujours marquer le respect des mesures barrières. Et en plus maintenant, nous sommes en train de faire le point sur le personnel parce qu'à l'issue du mouvement national et du mouvement régional, nous avons eu quand même des départs. Donc nous sommes en train de faire des réaménagements pour pouvoir en tout cas parer au plus pressé en ce qui concerne le personnel. Et nous pensons que si nous parvenons à réaliser tout cela, la rentrée pourra se faire sans difficulté. Nous sommes avec l'inspecteur Babacar Diack, l'inspecteur d'académie de Tambacounda. Inspecteur, nous avons démarré la campagne que nous avons faite pour l'Oubitey Djangetey. Qu'est-ce que vous avez pensé de la préparation que vous avez faite? La campagne, je l'ai remercié. Je l'ai remercié parce que c'est vrai. Dans l'école de l'Oubitey, nous savons que l'école est le jour pour enseignants et le 12 pour élèves. Donc, nous devons le préparer. Et Rennes, gis nañu né novembre le école ubi donc war nañu def tout pour que buñu commencer rek xalé yi jang donc ci lolu ngeen nek donc lolu dañ koy rafetlu mais aussi di wax né le fait que ñuy dem di sensibiliser nit ñi muy parents yi muy élèves même muy enseignants yi ci nécessité ubi tay jang tay dafa am solo trop parce que année scolaire ren bi xam nañu né niro wul ak yeneen yi ñu ngi génn ci at mo xamné peut-être tok nañu lu yag xalé yi janguñu ndax pandémie COVID-19 bi donc ren amuñu temps buñuy perdre donc motax mané donc vraiment rafetluna trop sen activité bi et parce que ñepp war nañu taxaw pour que ñu mëna réussir la rentrée scolaire. Ci walu académie bi wax nga ko légui année bi dafa xawa particulière yane waccay ngeen taxawal surtout ko le dispositif ngir mëna taxawal li nga xamantene mom moy ouverture bu muccu ayeb ñepp dal ci bénéficier. Waaw mom jël nañu ay disposition pour que wax deug yalla comme ni nga waxé ni ouverture bi muccu ayib ñu mëna commencer dès la rentrée peut-être li ci ñëk moy fi mu né ni war nañu convoquer ben CRD vendredi pour ne dajé acteur yépp ak autorité yépp waxtaan ci naka lañuy def bu réussir bi ba mëna réussir rentrée scolaire bi bu lolu wesso fi mu néni aussi il faut que ñu jël matériel d'hygiène yobbu ko ci école yi. Heureusement ministère envoyé na déjà quand même matériel bu bari bu ñu wara jël tass ko ci école yi ak lycée yi ak collège yi pour que ñep mëna jot sen wall nga xamné respect mesure barrière du poser ben problème donc lolo aussi ñu ngi ci fi mu né aussi ñu ngi liggéey ci personnel bi parce que xam nga Tamba particularité bi moy souvent mouvement national dañuy am ay départ té duñu li ñew du ko combler donc faut que ñu def ay réaménagement set ñuy def ba mëna jot ba mëna am dal des enseignants yu mëna bousser les tours yi nga xamné ñi dem bayyi nañ ko fi donc ci lool lañu nek et je pense que en tout cas li ma wax ni buñ ko défé dal normalement rentrée bi dañ ko mëna réussir sans problème mu nekkon na monsieur Babacar Diack inspecteur d'académie bu Tambacounda